Ça veut dire que déjà là, à partir de 1999, et je n'étais pas à la fac de droit, j'étais simplement un combattant, je n'ai rien lâché parce qu'il y a toujours des magistrats honnêtes. Il y aura toujours des policiers honnêtes, il y aura toujours des journalistes honnêtes, même si des journalistes, la plupart, comme BFM TV, j'ai mis la liste de tous les journalistes de BFM TV qui sont francs-maçons, donc je mets tout, j'ai mis la liste des préfets, je mets tout. Thank you. Thank you.